opa, opa, opa, tout le monde en bas. Avancez comme ça. Bip, bati, bati, contre tout pire. Petit Michel. Gars comme ça, il s'est rien bien fort, range les chapeaux soufflés.